Chapitre 5. Comme elle le lui avait déclaré, Zélé était revenue au cratère vert avec un implant à avaler. La princesse avait gaiement déposé la gélule dans la main d'Ormaïne, qui resta à contempler dans sa paume ce petit objet d'un air dubitatif. La couleur blanche et la taille lui rappelaient les pilules à usage mystérieux que Zélé lui avait données le jour de son réveil dans la grotte. La forme était cependant ovale et non ronde. Tu dois l'avaler, lui dit Zélé. C'est l'implant U dont je t'ai parlé. Une fois dans ta gorge, il va remonter à ton cerveau, se fixer et opérer sa connexion. Tu auras peut-être une légère migraine, mais c'est un excellent modèle. Le même que moi, en fait. Je n'ai quasiment rien senti. C'est ça un implant? Et ce truc va aller dans mon cerveau? S'inquiéta Ormaïne. Ne t'inquiète pas, c'est sans danger, ne sois pas peureux, le rassura Zélé. Mais pourquoi me donner celui-là alors que tu m'en as déjà donné d'autres auparavant? Demanda Ormaïne. Quels autres? Je ne t'ai jamais donné d'implant. Ormaïne entra dans la cabane près de l'étang, aménagée en véritable petite maison des bois depuis son arrivée, et qui lui servait d'habitation, et ressortit avec un bocal rempli par les pilules alimentaires que Zélé lui avait distribuées quotidiennement. Ce sont des pilules alimentaires, pas des implants. Tu en avales une et ça te remplit comme un repas complet. Mais depuis tout ce temps, de quoi t'es-tu nourri? S'étonna Zélé. Eh bien de feuilles, de fruits, de baies. Il y a tout ce dont j'ai besoin ici, expliqua Ormaïne. L'ignorance totale d'Ormaïne dans la technologie créa un gouffre d'incompréhension entre lui et Zélé, si bien qu'elle oubliait ce qui pouvait lui être évident et ne l'était absolument pas pour lui. Les pilules alimentaires étaient la plus grande source de nourriture disponible sur Upléas, ou sur les mondes de la galaxie en général. La plupart des gens avaient abandonné l'alimentation traditionnelle. Seules les boissons se consommaient toujours de la manière la plus naturelle qui soit. Les pilules étaient un concentré des apports journaliers nécessaires à l'organisme pour se sentir au mieux de sa forme. Le lancement avait été assez difficile car les gens n'appréciaient pas trop de se séparer des goûts des aliments. Mais très vite, les concepteurs d'implants avaient mis à disposition de nouvelles générations d'implants ou des applications pour mettre à jour les anciens qui permettaient d'avoir en bouche le goût de ce que l'on désirait en même temps que l'on avalait sa pilule. L'idée qu'un repas complet puisse être remplacé par une minuscule gravier sidérait Ormaïne. Et bien qu'il sût que Zélé n'essayait pas de rire de lui, il ne pouvait se convaincre que ce fût possible. À présent, elle voulait le persuader qu'un autre grain de poussière était capable de le faire accéder à tout le savoir disponible, à toutes les découvertes que les espèces de l'univers avaient révélées. Cela lui serait-il d'une utilité quelconque? Pouvoir contempler une carte pour voir à quoi ressemblait le ciel étoilé du Pléas si on pouvait éteindre le soleil comme une torche? Zélie lui rappela qu'un accès au Résarque devrait l'aider à retrouver son monde, qu'il serait plus à même qu'elle de le reconnaître. Réticent au fait d'avoir une chose, aussi infime soit-elle, allant se loger dans sa boîte crânienne, Ormaïne devint plus hésitant avec les arguments de la princesse, puis se laissa convaincre. Il avait sauté à bord d'un vaisseau pour une destination inconnue, il avait attaqué un mercenaire et affronté l'immensité de l'espace, et voilà qu'une pilule à ingurgiter lui faisait peur, certainement pas. La princesse laissa Ormaïne avaler sa gélule avec une gorgée d'eau. Et il crut se sentir le petit objet se scinder en deux alors qu'il se trouvait dans son œsophage. L'implant s'était libéré de sa coque, au contact de la salive, et venait de s'agripper à la paroi, provoquant un grattement qui donnait envie de tousser. Zélé lui fit signe qu'il fallait absolument se retenir. La sensation se dissipa très vite, et pendant plusieurs minutes il ne sentit plus rien. Ormaïne resta perplexe. Il ne s'imaginait pas que le procédé puisse être déjà terminé, et il questionna Zélé du regard. Ormaïne se demandait quelle sensation il allait encore éprouver après le grattement de gorge. Un grattement de crâne? Absurde. Ou peut-être pas tant que ça. Son ignorance dans l'affaire l'obligeait à se laisser conduire par cette aventure par Zélé. Elle essaya de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle avait ressenti après le détachement dans sa gorge. Il pourrait ainsi se préparer. Savoir à l'avance ce qui arriverait le rassurerait sûrement. Surtout qu'elle lui avait donné le même modèle que le sien, la même version, même série. Pour la même espèce que la sienne, un modèle d'implant pour Nifien. Non ! Zélé avait crié et tendu les bras vers Ormaïne, comme pour l'empêcher de faire quelque chose, mais il n'y avait plus rien à faire puisqu'il avait déjà avalé la gélule et que l'implant était libéré. Il était inévitablement en route vers son cerveau. Peut-être y était-il déjà arrivé. Qu'avait-elle fait? Elle avait pris cet implant U sans considérer qu'il n'était pas de la même espèce, qu'une autre version était nécessaire. Comment elle ignorait à quelle espèce il appartenait? Elle n'aurait pas été en mesure de trouver un implant adéquat, mais le fait était surtout que, pas un seul instant, elle n'avait envisagé cette simple évidence. Zélé fixait les yeux, terrorisé d'Ormaïn qui n'avait pas eu de mal à comprendre à sa réaction qu'elle venait de penser à une chose grave. Toutefois, il n'arrivait pas à deviner ce que c'était. Elle avait eu alors l'air si confiant quelques minutes plus tôt. Avant même que l'un des deux ne parlât, l'expression de Ormaïn changea. Ce qu'il ressentait répondait à sa question non formulée. La mise en place commençait. L'impression d'une légère compression de son crâne l'assaillit. Et en un instant, tout stoppa, et Ormaïn, assis en tailleur, qui avait levé les bras pour les porter à sa tête, s'effondra au sol. Zélé se jeta sur lui, soulevant sa tête et l'attirant contre elle. Trou noir, les yeux révulsés. Le corps inerte de Ormaïn fut parcouru d'un frisson. La princesse n'avait jamais assisté à la pose d'un plan, de qui que ce fût, à part le sien. De l'extérieur, elle ignorait de quoi cela avait l'air. Pendant que ses mains fébriles caressaient le visage triangulaire et inexpressif, une division de son esprit parcourait le Rézarque à la recherche d'informations sur des ingurgitations d'implants par une autre espèce que celle prévue. Tout était possible, du rejet naturel de l'implant par l'organisme à la mort cérébrale en passant par l'amnésie et la démence. Lumière blanche, les yeux écarquillés, avec un regard fixe. La réinitialisation était en cours. Lentement, il cligna des paupières. Zélé avait sa main posée sur son front, pendant que son sourire était tendre et bienveillant. Ses yeux lui adressaient mille et une questions, dont une essentielle. « Sais-tu encore qui tu es ?»« Ormaïn ?»« Zélé ?» Le nom d'Ormaïn était plus savoureux dans la bouche de Zélé que la plus délicieuse des friandises quand elle le sifflait, et l'entendre prononcer son nom était pour elle la plus douce des mélodies qu'elle n'ait jamais entendue. Elle avait récupéré sur le Rézarque le signal qu'elle devait recevoir si elle contactait une personne tout nouvellement implantée, et dont l'installation se serait parfaitement déroulée. Le soulagement fut immense quand elle constata que tout était en ordre. Mise en place terminée. Il faut quand même quelques heures pour finaliser l'installation, le temps que toutes les connexions internes soient efficaces. Je préfère te donner ta première leçon d'accès au réseau demain, expliqua Zélé. Si tu le dis, je me sens nauséeux. J'ai besoin d'eau, lui dit Ormaïn. Il rampa presque jusqu'à la berge, pénétra dans l'eau tel un lézard et se laissa couler. De nouveau, les minutes s'écoulèrent sans le moindre signe à la surface. Zélé ne s'inquiétait plus, non seulement parce qu'elle savait qu'il respirait sous l'eau, mais aussi parce qu'à présent, elle le savait connecté au Rézarque, et tant qu'elle l'y détecterait, elle saurait qu'il était hors de danger. Quand sa tête réapparut mollement à la surface, ce fut pour inviter, sans enthousiasme, Zélé. « Tu viens ?»« Eh bien, pourquoi pas ?» s'en réjouit-elle. Elle défit son paréo, sauta dans le liquide rafraîchissant, prit une profonde inspiration et le suivit en piquet. En quelques brasses, ils parcoururent ensemble le peu de mètres qui les séparaient de l'obscurité pour atteindre la lueur dégagée par les plantes aquatiques qui tapissaient le fond de l'étang. Zélé se concentrait pour bien faire fonctionner ses fentes branchiales et alla récupérer un peu d'air dans le siphon, laissant Ormaïn couler vers les algues. Après avoir respiré profondément dans la cavité, elle attendit qu'Ormaïn la rejoignît, mais il n'en fit rien. Elle pensa d'abord qu'il avait encore besoin de nager, puis trouva cela étrange, car à la réflexion, il ne s'était jamais quitté lors de leur baignade précédente. Et soudainement très inquiète, elle consulta le Rézarque, ne l'y localisa pas, et elle retourna dans l'étang pour partir à sa recherche au ras du sable. Elle l'aperçut, les yeux mi-clos, presque inconscient à la dérive. Elle le saisit et le remonta à la surface le plus vite possible, le tira hors de l'eau et commença par lui donner des claques sur les joues. Quand elle fut sur le point de commencer le bouche-à-bouche, il reprit ses esprits et cracha l'eau qui envahissait ses poumons. « Est-ce que ça va ?»« Oui, mieux, je crois. J'ai mal au crâne, je me sens faible. »« C'est normal, » le rassura Zélé. « Je n'aurais pas dû te laisser seule, je suis désolée. J'aurais dû me douter qu'il était encore trop tôt pour que tu puisses nager. Mais tu peux te noyer. Comment est-ce possible que tu aies bu la tasse alors que tu peux respirer sous l'eau ?»« Il faut se concentrer pour respirer sous l'eau. Ça ne se fait pas d'instinct. » Je ne pourrais pas dormir ailleurs que sur la terre ferme. Ma réaction a été la bonne alors, intervint Zélé. J'ai bien fait de m'inquiéter. Je devrais peut-être rester avec toi jusqu'à demain. Si jamais il t'arrivait autre chose, il n'y aurait personne pour t'aider. Je vais prévenir Mimicha que je reste ici. Mimicha? Demanda Ormaïn. Oui, c'est madame de compagnie. Si elle ne me voit pas rentrer, elle va s'inquiéter et donner l'alerte, ou pire, prévenir ma mère. Je m'étonne déjà qu'elle n'ait pas remarqué que la vitesse d'exécution dans mon travail s'est ralentie. Mimicha. Mimicha. Non, ma mère. La fréquentation quotidienne d'Ormain la ralentissait déjà assez dans ses tâches. Les anciennes balades solitaires avec Goba ou en compagnie de Mimicha dans l'oasis n'avaient jamais demandé une grande concentration. Il ne s'agissait, en ce temps-là, que de détente et de bavardage. À présent, les choses avaient changé. Le trouble qu'Ormain pouvait éveiller en elle, les conversations soutenues qu'il tenait, sa nouvelle respiration, Zélé effectuait de véritables tâches réelles à présent, car elle menait une véritable vie hors du réseau, et la division de son esprit s'en était trouvée restreinte. Si elle ne voulait pas que sa mère, la reine d'Inuma, ne remarquât sa baisse d'implication dans la gestion de la planète, elle devait absolument améliorer sa capacité à effectuer des tâches simultanées complexes, à diviser son esprit davantage. Voilà, j'ai laissé un message au palais. Mimicha sera tranquille. Au palais? S'étonna Ormain. Zélé se gifla mentalement pour avoir prononcé ce mot. Il était sorti tout seul. Jusque-là, elle s'était gardée de préciser à Ormain qu'elle avait un statut privilégié. Le palais, oui, là où je vis. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Il y a quelque chose que je dois t'avouer. Et qu'est-ce donc? Upléas est gouverné par la reine Zeninouma, qui se trouve être ma mère, et par conséquent, je suis l'héritière du trône. Je suis la princesse Zélée. Tout ce qu'Ormain connaissait à la politique se limitait à être exploité par des mercenaires qui gardaient son peuple parqué dans des camps. Alors parler de reine et de princesse ne lui évoquait pas grand-chose. Cela dit, il se doutait que ce devait être important, et avait une vague idée de ce que cela représentait. Les mercenaires eux-mêmes avaient des supérieurs. Donc ça veut dire que ta mère gère ce qui se passe sur ta planète, et qu'après ce sera ton tour. On peut dire ça comme ça, oui. Mais je gère déjà des affaires. Mais pas grand-chose, tu passes beaucoup de temps avec moi, intervint Ormain. Je gère ces affaires simultanément avec mon implant U. Pendant que je te parle là, maintenant, je suis à une réunion sur le budget des travaux publics. Je rédige de la paperasse, je consulte les actualités, expliqua Zélé. C'est si puissant que ça, un implant? S'étonna Ormain. Mon implant U a été posé quand j'étais enfant. C'est à cette période que l'apprentissage est optimum. Toi, je pense que tu es trop vieux pour pouvoir aller très loin dans son utilisation. Mais nous verrons. La princesse avait eu un peu peur. La réaction d'Ormain face aux explications qu'elle venait de lui donner sur l'utilisation qu'elle faisait de son implant n'était pas de bon augure. Elle lui avait fait avaler le même gadget qu'elle, alors qu'il était évident qu'il n'avait pas compris à quoi cela lui servirait. N'avait-elle pas été assez claire précédemment? Zélé se dit qu'elle devait se mettre dans le crâne qu'elle avait affaire à un étranger tout droit sorti de la préhistoire, qui vivait dans la forêt et qui ignorait tout de la technologie, mis à part les vaisseaux spatiaux. Elle devait tout expliquer avec un maximum de détails si elle voulait être sûre qu'il ait tout bien saisi. Comment peux-tu assister à une réunion alors que tu es ici? Demanda Ormain. Lors d'une réunion, tout ce qui compte, c'est de pouvoir discuter, tu es d'accord? Commença à expliquer Zélé. Oui? Eh bien, dans ta tête, tu peux parler par la pensée, n'est-ce pas? Oui, mais personne ne m'entend. Justement, l'implant te permet de penser de la même manière que si tu le disais à haute voix. Les autres membres de la réunion sont également implantés, et nous sommes interconnectés grâce au Rézark. Je vois, je crois, de la télépathie en somme. Mais tu parles de papier à remplir. Comment peux-tu faire cela avec la pensée? Je rédige les textes par la pensée, toujours comme si je me parlais à moi-même. Et soit j'envoie mes comptes rendus directement aux personnes concernées par le Rézark, et elles le reçoivent, sur leur implant, soit je transmets les documents à une machine pour qu'elle matérialise le texte à ma place. Tu fais tout cela en même temps? Je ne peux penser qu'à une chose à la fois, moi, ou deux. C'est juste une question d'entraînement, le rassura Zélé. Comme je te l'ai dit, j'ai été implanté très jeune. C'est comme une partie de moi. Toi, l'apprentissage sera plus difficile et tu ne pourras pas faire autant de choses que moi. Et tu n'en auras pas non plus besoin. L'intérêt, c'est que tu puisses aller sur le Rézark et que tu saches à quoi ressemblent les autres planètes de la galaxie et que tu te cultives. La journée s'écoulait alors que le soleil artificiel Réaz demeurait toujours au même point fixe dans le ciel. Ormain se restreignait à barboter là où il lui avait pied, surveillé de près par Zélé qui s'imaginait qu'il pouvait encore se pâmer à tout instant. Elle lui parla davantage du Rézark et de toutes les tâches que sa connexion lui permettait d'accomplir. La simple évocation de certaines n'évoquait rien chez Ormain, et elle devait détailler un peu plus ses explications. Qu'il comprît vraiment ou non importait peu, cela lui servait d'entrée en matière, et il serait préparé pour les premiers pas qu'il aurait à faire le lendemain. « Je vais te prendre une pilule alimentaire. Avec la réserve que tu as faite, ce n'est pas grave si je n'en ai pas amené aujourd'hui. « Tu peux en manger, tu sais ?» lui disait-les. « Je ne sais pas. En fait, maintenant que tu es implanté, tu es obligé d'en prendre. »« Comment ça ? Il faut alimenter ton implant. Il fonctionne à la dionine, et ça ne se trouve que dans les pilules alimentaires. » Ça me fait drôle d'avaler de tout petits graviers et de me dire que je suis censée ne plus avoir faim après. Même si j'ai remarqué que depuis que je suis ici, j'ai moins vite faim et je me sens plus léger, dit Yormaïn. Upléas est assez petite comme planète, je suppose que la tienne doit être plus grande, avec une force de gravité plus importante. Ça te fera drôle de refouler le sol quand tu rentreras chez toi. Quoi ? Tu veux que je retourne sur Nikéas ? N'était-ce pas là ce qu'il souhaitait ? Zélé à contre-cœur, mais pour être honnête avec elle-même, avait évoqué le retour sur sa planète natale, car cela lui semblait inévitable, bien qu'elle rejetât l'idée de le voir partir pour toujours. « Eh bien, c'est chez toi. Ce n'est pas ce que tu veux. Tôt ou tard, il faudra que tu partes. Pour le moment... »« Pour le moment quoi ? J'ai fui une planète où nous sommes oppressés et tu voudrais que j'y retourne ? Je t'ai dit que j'avais perdu mon épouse et ma fille. Je veux les retrouver. Elles ne sont pas là-bas, j'en suis certain. » « Écoute, pour le moment, on ne sait pas de quelle planète tu viens, où elle se situe. Tant que tu es ici, tenta d'expliquer Zélé. « Ici ? Ici où ? » s'énerva Ormaïn. « Tu me parles d'un peuple, je ne le vois pas. Tu me parles d'une planète aride, je ne vois que végétation. Tu me dis que tu peux m'expliquer ton geste de m'avoir gardé dans cet endroit sans rien dire à personne et je te crois. Mais même si je viens d'un endroit qui n'imaginait pas la vie sur d'autres planètes, je crois que je suis tout de même suffisamment intelligent pour remarquer que la situation n'est pas nette. Alors dis-moi, Zélé, qu'attends-tu de moi ? » Zélé hésita, puis lui répondit. « Tu m'as appris à respirer sous l'eau. Ne crois-tu pas que moi aussi, maintenant, je me pose beaucoup de questions, que j'attends quelque chose de toi ?»« Tu devrais partir, » s'énerva Ormaïn. « Quoi ? Partir ? Oui, retourne chez toi, comme tous les jours. Nous nous verrons demain. Là, je veux être seule. Il ne m'arrivera rien, mes maux de tête sont calmés. » Ormaïn avait parlé sans la regarder. Il s'était même éloigné, lui tournant le dos. Trop blessé, ne sachant que répondre, car elle se savait en tort, Zélé appela Goba. Très bien, comme tu le souhaites. Demain, je t'apprendrai les bases pour utiliser ton implant. Et je pense qu'une fois que nous aurons identifié ta planète, tout sera net. Sur un sourire rassurant, elle le quitta. Elle grimpa sur le dos de Goba, qui appréciait toutes ses journées passées dans l'oasis plutôt que dans le désert, ou dans les écuries du palais, et traversa la clairière pour pénétrer dans la jungle, à la recherche d'un chemin pas trop envahi par la végétation. Sa silhouette découpée dans l'ombre des feuilles gorgées de sève ondulait au rythme des pas du Bolbolko. Ormaïn était séduit par cette fille. Elle lui avait parlé de retourner chez lui. Jamais il ne voudrait retourner là-bas, c'était un coupe-gorge. Et maintenant qu'on lui avait parlé d'un marché intersidéral, il était persuadé que son épouse et sa fille se trouvaient quelque part dans cet univers, et non sur Nikéas. Il s'était évadé pour les retrouver. S'il devait quitter cette planète, ce serait pour voyager sur d'autres planètes. Il n'aurait de cesse de fouiller ses mondes jusqu'à ce qu'il eût accompli la mission qu'il s'était fixée. Mais cette fille, Zélé, pouvait-il s'éloigner d'elle maintenant qu'il l'avait rencontrée ? Quand elle partait, il attendait des heures son retour, rêvant d'elle chaque fois qu'il s'endormait. Cette connexion dont elle lui parlait avec un léger embarras, mais totalement ignorant de sa signification, il savait ce que c'était, et jamais il n'aurait osé aborder le sujet. Mais Zélé, elle, ignorait tout, et n'y voyait aucune gêne. Elle hésitait juste à en parler parce qu'elle pensait que c'était insensé. Une sensation connue de tous les Nikéens, ressentie une fois au cours de la vie, quand l'un rencontrait le partenaire de sa vie. Mais Zélé était une Ipléenne. Cela pouvait-il se produire avec une autre espèce ? Et il était déjà marié. Cependant, il n'avait jamais rien ressenti de tel envers son épouse. Il pouvait au moins l'admettre à présent. Et depuis qu'elle lui avait été enlevée, Ormaïn avait eu tout le temps d'analyser leur relation et de savoir que Xenia non plus n'avait jamais dû nourrir de tels sentiments pour lui. Le bruit des pas de Goba le tira de ses réflexions, et il visait les apparaître au travers des immenses feuilles violettes. Il s'était emporté contre elle, et maintenant qu'elle s'avançait vers lui, sa rancœur s'évanouissait dans les airs. « J'ai l'impression qu'à chaque fois que nous nous quittons, c'est sur une dispute, » lui dit-il. « C'est bien ce qu'il me semble. Je te prie d'excuser pour m'être montrée si peu conciliante. Tu veux sortir d'ici et voir de tes propres yeux mon monde, et je te comprends. Tu sais, non, laisse-moi terminer. Voilà ce que je te propose. Je t'apprends à te servir de ton implant. Grâce à lui, tu pourras voir à quoi ressemble l'extérieur. Et une fois que tu te seras habitué à ce que sont des rues, des immeubles, enfin une ville, je t'emmènerai à Zélaïdo. Ça te va ? Propose Azélé. Oui, j'espère seulement de ne pas tomber dans la démence avec ce que l'engin logé dans mon cerveau va me faire découvrir, ironisa Ormaïn. Comment apprendre à quelqu'un à utiliser son implant ? Il fallait avoir les bonnes pensées, le bon sens de la visualisation. C'était très complexe, et l'utilisation était innée chez Zélé, parce qu'elle l'avait eue dans sa plus tendre enfance, et à mesure que son cerveau effectuait son développement naturel, son implant était devenu une partie d'elle-même. Lui retirer serait comme une ablation. Alors qu'Ormaïn devait apprendre à utiliser ses pensées d'une nouvelle manière, à bien les départager pour qu'elle donne les ordres précis à l'implant, et aussi apprendre à ne pas faire appel à l'implant par inadvertance. Par exemple, pendant longtemps, Zélé eut du mal à ne pas mêler son implant à ses rêves, elle le sollicitait sans le vouloir. Depuis, tout était résolu. En fait, elle ne dormait plus vraiment, une partie de son esprit était toujours éveillée, pendant que les autres divisions de son et son corps étaient inactifs. Zélé chercha sur le Rézarque des guides d'apprentissage pour seniors, décrivant à Ormaïn comment conduire ses pensées et essaya d'installer un climat propice à une parfaite concentration. La focalisation d'Ormaïn sur les instructions de Zélé était telle qu'il n'était plus en mesure de parler ou de bouger, son corps tant le virtuel l'occupait. 7 heures plus tard, elle le laissa s'entraîner, pendant la première phase de sommeil qu'elle passait toujours à l'oasis, puis elle dut rentrer au palais, plus tôt, pour suivre son cours réel qui avait lieu à 9 heures. L'après-midi, elle était trop longue. Perdre la connexion vers le Rézarque avait toujours été un calvaire pour elle lors de ses cours. Même si depuis qu'Ormaïn était là, une gaieté permanente la mouvait et qu'elle avait fini par presque ne plus entrer dans la salle de cours à reculons. Zélé le savait désormais connecté, mais elle ne pouvait pas communiquer avec lui, et cela l'exacerbait. Elle se fit une raison en pensant qu'elle ne pouvait de toute façon plus rien pour lui, pour le moment, qu'il fallait le laisser s'habituer à la fonctionnalité qui lui avait été ajoutée. L'instructeur n'était pas le même cette fois-ci, car son cours portait sur l'histoire du Pléas et non pas sur la géopolitique. Pour la géopolitique, le cours était dispensé par un Vereti Akmal, rayé à queue courte si l'on précisait l'espèce exacte, mais pour l'histoire de la planète, Zélé avait droit bien entendu à une historienne native. Nul doute qu'elle avait été recrutée par la reine elle-même, elle se comportait de la même façon, elle était tout aussi stricte, précise et minutieuse. Comme tous les Upléens, elle était plus petite que la princesse. Ses yeux étaient jaunes, mi-clos, sa lèvre supérieure n'était qu'un mince trait et ses bandes de cuir retombaient sur ses épaules. La plupart du temps, les instructeurs se moquaient de capter l'attention de leur élève, mais pour celle-ci, il était difficile de se dissiper. Le moindre coup d'œil par la fenêtre était suivi d'un rappel à l'ordre. Le cours était habituellement très pénible. Zélé ne savait jamais vraiment vers quoi tourner ses pensées pour oublier la déconnexion de son implant. Mais là, toutes ses pensées se tournaient vers Ormaïn. Elle se consolait en se disant qu'une fois qu'il maîtriserait son implant U, les heures de cours seraient les seuls instants où il serait entièrement séparé. Son regard vague était illuminé et l'historienne était persuadée que pour une fois, sans avoir eu à la menacer, la princesse était intéressée par son enseignement. À la fin du cours, Zélé traversa le sas et fut parcouru du frisson habituel qui suivait le rétablissement de la connexion au réseau. Connexion. Zélé ? Ormaïn, comment ? Bravo, tu arrives à parler sur le Rézarque ? Je ne peux faire qu'une chose à la fois et je n'aimerais pas voir à quoi ressemble mon pauvre corps inerte en ce moment, mais je comprends un peu le fonctionnement. Heureusement que tu t'es connecté à moi avant de partir, parce que je n'aurais pas su comment te retrouver. Continue d'explorer un peu, j'arrive. Fin de connexion. Princesse Zélé, que souhaitez-vous à faire ? C'était Mimicha. Zélé fut surprise de la voir, mais il fallait s'y attendre. C'était pareil à chaque sortie de cours. Bien sûr, sa servante allait s'attendre à l'accompagner en promenade comme de coutume. Même si dernièrement, il était évident que cette habitude avait nettement changé de rythme. Elle avait complètement oublié Mimicha. Et elle se rendait compte qu'elle l'avait légèrement négligée depuis le crash. À peine entre-t-elle de l'oasis qu'elle se rendait dans ses appartements, avalait ses pilules alimentaires et soumettait son corps à un repos bien mérité. Elle passait ses journées à nager, à respirer sous l'eau et à triturer son esprit toujours davantage chaque jour pour garder ses performances de travail. Si Mimicha avait disposé d'un implant, Zélé aurait pu garder contact avec elle dans la journée. Cela serait revenu à une tâche simple. Elle aurait pu converser avec son amie quelques instants chaque jour et ne pas la laisser tomber, comme elle venait d'en prendre conscience. Une certaine culpabilité l'assaillit, et là, devant Mimicha, elle n'avait d'autre choix que de refuser sa compagnie, et elle ne pourrait plus invoquer l'excuse de la cérémonie d'implantation. La présence d'Ormaïne dans le cratère vert était un secret, elle n'en avait parlé à personne, et toujours aucune enquête ne semblait exister autour de la détection de l'entrée dans l'atmosphère d'un vaisseau. Le crash avait eu lieu suffisamment loin des habitations pour qu'il n'y eût aucun témoin. Mimicha, tu es très aimable, mais je préfère te laisser tranquille. Tu dois avoir beaucoup de travail, ne t'occupe pas de moi. J'irai me promener seule. Depuis les méditations qui ont suivi l'implantation de mon rubis, j'ai pris conscience que j'avais été faible de continuer à rester avec toi. J'ai continué à t'utiliser comme si j'avais besoin d'une nourrice alors que c'est faux. Je suis adulte et je dois cesser d'avoir une domestique et me tenir compagnie en permanence. J'ai réalisé qu'elle était totalement égoïste de ma part de te forcer à me suivre ainsi tous les jours. Tu es désormais libre de tes journées, tu n'as plus à attendre mes ordres. La princesse tourna le dos à sa servante et s'éloigna au petit trot, sans ajouter un mot. Que c'était étrange de parler Hupléen de sa véritable bouche. Via son implant, elle ne ressentait pas la vibration de ses cordes vocales, mais là, en réel, c'en était presque devenu douloureux. Était-ce cela que Mimicha avait ressenti quand elle avait appris sa langue? Maintenant qu'elle s'éloignait, les mots qu'elle avait prononcés faisaient écho dans sa tête. Zélé avait parlé d'un ton neutre, mécanique, comme s'il s'était agi de n'importe quel employé. Elle n'avait pas laissé place à un ton de compassion, exprimant combien, au fond d'elle-même, elle était sincèrement désolée de ne pouvoir l'emmener, de partager un petit moment avec elle, comme autrefois. Mimicha, sa servante, sa confidente, sa nourrice, son amie. Elle venait de lui mentir, de la rejeter, et une larme coulait le long de sa joue. Elle s'était montrée distante et froide, comme l'aurait fait la reine. Mimicha voyait sa maîtresse s'éloigner de son pas souple et léger. Elle la voyait en pied, dans toute sa grandeur. Comme cette petite fille qu'elle avait élevée avait grandi. Était-ce cela que ressentaient les mères au départ de leurs enfants? En prenait-on conscience d'une manière si brutale? Un jour, les voyait-on comme ayant encore besoin de nous, et le lendemain, le voile se levait violemment, et l'on découvrait un adulte autonome en face de soi. Il y avait quelques semaines, jamais elle n'aurait cru que quoi que ce fût échangé entre elles. Et il n'y avait pas si longtemps, elle se rappelait même avoir pensé que si à cet âge, Zélé la traitait encore avec tant d'égards, c'était que leur relation ne changerait jamais. Cette pensée avait été fortifiée dans son esprit par l'idée que les relations hupléennes étaient plus durables, en tout point que celles des humains, et que les Hupléens étaient d'une nature plus constante. Et tout cela, elle l'avait bien vérifié, constaté. Alors, elle avait passé toutes ces années convaincue qu'elles resteraient liées l'une à l'autre, qu'elles seraient toujours plus qu'une servante, qu'elles seraient à jamais sa confidente, son amie. Aurait-elle pu se tromper? Ou Zélé n'était-elle pas d'une nature constante? Agirait-elle comme une humaine, oubliant les personnes qui lui ont toujours été loyales, et sans prévenir, s'en éloignerait? Cette pensée déchira le cœur de Mimicha, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit seule sur cette planète qui n'était pas la sienne. Son avenir lui apparaissait incertain. Même si avec un CV où figurait « gouvernante de l'héritière », elle était assurée de trouver un poste en moins de 2 jours, Mimicha avait peur. Ormaïne prenait très au sérieux ses exercices d'utilisation de l'implant. Il faisait de bons progrès, toutefois il était évident qu'il n'atteindrait jamais la maîtrise de Zélé ni même le niveau de la reine. Il ne dépasserait sûrement pas les capacités d'un humain en possédant un depuis son plus jeune âge. Il était trop vieux maintenant, et son ignorance complète dans le domaine des technologies ne lui facilitait pas l'apprentissage. Pourtant, il s'en sortait très bien pour une personne tout droit débarquée de l'âge de pierre. C'est étrange que le premier jour tu aies réussi à me parler et que maintenant tu n'en sois plus capable, lui disait-elle. Ce devait être la chance du débutant. J'ai réussi à te parler parce que tu t'étais déjà connecté à mon implant et que je t'ai entendu. Je me suis dit que je n'avais qu'à penser ce que je voulais te dire, et ça a fonctionné. Maintenant, avec toutes les règles et instructions que tu m'as apprises, je crois que je pense trop. La première fois, c'était instinctif. Tu arrives au moins à naviguer sur le réseau, et à en apprendre plus sur l'univers. C'est le principal. C'est déjà suffisamment incroyable pour que je n'ose rêver à mieux, tu sais. As-tu trouvé des cartes de l'univers indiquant ta planète ? Lui demanda Zélé. Je ne trouve rien. Et puis ces cartes ne m'évoquent rien, je ne connais pas suffisamment les étoiles du ciel de ma planète pour être capable de les retrouver sur un plan. Et peut-être que nous ne figurons nulle part ? Lui dit Ormaïne. Si des vaisseaux permettant le voyage interstellaire sont sur ta planète, c'est qu'elle est répertoriée. Toutes les planètes habitées sont connues du réseau. qu'elles abritent une population développée, en voie de développement ou sous-développée. As-tu essayé une recherche par critères? Je ne sais pas, j'ai parcouru le plan de la galaxie que je trouvais en partant du Pléas. Ce n'est pas la meilleure solution. Je vais lancer une recherche multicritère. Si tu te sens un peu plus léger ici, c'est que la circonférence de ta planète est légèrement plus grande que la nôtre. Tu dis qu'il pleut souvent, que la végétation abonde, que vous avez de lune. Je valide et c'est parti. Alors? Eh bien, je trouve Lutari, l'œil de S-Siden, Maxima 5, Freylock, Tititu, Aldorion. On peut dire que ça m'en a retourné un petit paquet. Hein. Je les connais toutes, ça ne peut donc pas être ça. Je te transfère la liste. Étudie-la et dis-moi si jamais l'une d'entre elles semble t'évoquer ton chez-toi. Ormain prit le temps de soigneusement analyser chaque possibilité, retournée par la recherche que Zélé lui avait transmise, mais cette map monde et ses positions dans la galaxie ne voulaient rien dire pour lui. Il consulta de nombreuses photographies et vidéos des planètes, parcourut des vues d'ensemble. Tu sais, je ne suis jamais allé nulle part, j'ai grandi et vécu toute ma vie dans le même secteur. Alors peut-être que l'une de ces planètes est la mienne et que je ne peux pas l'identifier. Peut-être que les mercenaires ne dirigent qu'une infime partie, celle où je vis, et que parmi les photographies que j'ai regardées, il y en a de mon monde sans que je le sache. Mais si je devais me fier à ma simple réflexion, je dirais que ma planète Nikéas n'est pas loin d'ici. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Demanda Zélé. Ce n'est pas possible. Le système Réas est tellement reculé que peu importe sur quelle autre planète tu te trouvais, ton voyage a dû durer plusieurs huitaines de jours. Mais je n'ai pas voyagé longtemps, j'en suis sûre. J'ai l'impression de m'être crashé à peine après avoir décollé. Désolée, mais ce n'est pas possible. Le choc du crash doit avoir laissé des séquelles et t'a désorienté. Et puis, tu m'as dit toi-même que tu avais perdu connaissance quand tu étais à bord. Tu ne sais pas combien de temps tu es resté évanoui. Les jours s'écoulaient sans que ni l'un ni l'autre ne trouvât une planète qu'Ormain pouvait considérer comme étant la sienne. Zélé ne démordait pas qu'il devait faire erreur. La princesse avait jeté l'éponge, elle laissait Ormain faire des progrès dans l'usage de son implant et leur conversation prenait une direction ordinaire, agréable, mais ordinaire. Le trou au sommet du dôme, provoqué lors du crash, était refermé et il ne restait plus aucune trace de l'assèchement qu'avait subi la végétation par la chaleur du désert. Tu m'avais dit que lorsque je saurais utiliser mon implant, que j'aurais assez navigué sur le Rézarque, je pourrais t'accompagner à l'extérieur, visiter ton monde. N'est-il pas temps? Un accord est un accord. Je vais te faire visiter la capitale Zélaïdo. Par contre, ici, c'est un microclimat protégé par le dôme. À l'extérieur, il fait sec et chaud. Tu devras porter une combinaison. C'est ce qui me permet de ne pas me déshydrater en un clin d'œil quand je me rends dans la capitale. C'était la fin de l'année. Cela faisait tellement de temps qu'Ormain était là, vivant et caché de tous, Zélé se rappela que tous les préparatifs des festivités de fin d'année étaient en route, que tout le pôle Nord préparait le passage au Nouvel An. Pendant 8 jours, pendant toutes les 36 heures qui composaient chaque journée, des réjouissances se dérouleraient partout. Zélé se devait d'y assister, bien sûr. Sa mère ne raffolait pas de ce genre de célébration, et depuis que Zélé était assez âgé pour présider seul, Zeninouma ne se donnait plus la peine de s'y rendre. Elle ne faisait plus acte de présence que par un hologramme et une division simple de son esprit, sa projection restant assise sur son trône sans même un discours. Pour la première fois, Zélé se dit qu'elle pourrait vraiment s'y amuser cette année, qu'elle apprécierait de s'y rendre en compagnie d'Ormain et que ce serait l'occasion de partager un instant réel avec lui, bien différent de toutes ses journées secrètes dans l'oasis, qui la faisait se sentir quelque part coupable. Comme tous les ans, la princesse se devait d'être accompagnée de Zoku, le futur époux que la reine lui avait choisi. Mais il n'était jamais très emballé à l'idée de se rendre à une fête et de devoir agir officiellement devant une foule. Zélé savait qu'elle n'avait qu'un mot à dire pour qu'il ne vînt pas. Il ne pouvait refuser de venir de son propre chef, il était obligé que sa cavalière lui demandât de ne pas être présent pour que ce fût possible, et elle savait qu'il accueillerait sa demande avec soulagement. La découverte de mon monde va se faire en grande fanfare, les festivités de fin d'année se dérouleront dans quelques jours. Je dois y assister pendant au moins 4 heures, chacun des 8 jours. Tu seras mon cavalier. Tu ne crains plus de me montrer au grand jour? S'étonna Ormain. Personne ne te reconnaîtra, parce que tu te feras passer pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre? Qui ça? Demanda Ormain. Zoku, le fils d'un comte. Il m'accompagne tous les ans. Vous faites à peu près la même taille et avez la même carrure. Comme tout le monde porte un masque, la ressemblance faciale n'entre pas en compte. Mais Suzoku, où sera-t-il pendant que je prétendrai être lui ? S'inquiéta Ormaïn. Chez lui, ne t'inquiète pas. Il sera plus que ravi de ne pas venir, le rassura Zélé. Peu de temps après la conversation que Zélé et Mimisha avaient eue à propos du futur époux que la reine désignerait à sa fille, Zeninuma avait élevé au rang de comte le scientifique renommé Zo, devenant ainsi comme Ko, dont le fils, Zoku, avait le même âge que Zélé. Le jeune garçon était réservé, totalement obnubilé par la science et rien d'autre, il passait tout son temps avec ses éprouvettes, et la reine avait vu en lui le parfait gendre. Un roi qui laisserait sa fille gouverner en toute tranquillité sans jamais chercher à imposer ses idées, ou à faire un scandale dans la presse en rejoignant la cause masculiniste.